sur France Inter. Très bon début d'après-midi à toutes et à tous avec nous et avec Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X. Ils faisaient si bien leur besogne d'espions qu'ils ont fini par devenir suspects. Suspects, non pas pour ceux qu'ils espionnaient, mais pour les autres, ceux pour lesquels ils travaillaient. En effet, les informations qu'ils transmettaient étaient si importantes, si nombreuses, qu'on ne pouvait imaginer à Moscou que des espions aussi haut placés fussent-ils puissent accumuler autant de matériel. Il était donc tentant de croire que ces prodigieux espions étaient en fait des agents doubles chargés d'intoxiquer le Kremlin. Et au beau milieu du deuxième conflit mondial, alors que ceux qu'on appelait les cinq magnifiques, ou encore les cinq de Cambridge, qui envoyaient semaine après semaine des informations essentielles pour la conduite de la guerre, Staline a failli ne pas tenir compte de ces précieux renseignements. S'il avait persévéré dans son erreur, on aurait peut-être assisté à un tournant dans la guerre sur le front de l'Est. Résumons ce que disait M. X lors de la première partie de cet entretien diffusé la semaine passée. L'une des cinq taupes de Cambridge, l'Écossais John Cairncross, a réussi à intégrer l'un des organismes les plus secrets de Grande-Bretagne, Bletchley Park, un laboratoire où les meilleures têtes d'œuvre du royaume déchiffrent jour après jour les communications codées des armées du Troisième Reich. En 1943, plusieurs messages décryptés indique que l'armée allemande prépare une grande offensive pour l'été dans la région de Koursk, en Union soviétique. Les autorités britanniques préviennent Staline, mais sans donner aucun détail. Cairncross, lui, envoie à Moscou l'ensemble du plan allemand. Les soviétiques, surmontant leur méfiance vis-à-vis de leurs sources, attaquent les premiers. Des dizaines de milliers de soldats de l'armée rouge sont ainsi épargnés et plusieurs centaines d'avions allemands sont détruits au sol. La dernière grande offensive militaire du Troisième Reich sur le front de l'Est se traduit par un échec grâce à Cairncross. Les cinq de Cambridge ont donc joué un rôle éminent pendant la guerre en renseignant les soviétiques. Une aide parfaitement désintéressés. Ils agissaient ainsi parce qu'ils étaient sincèrement communistes et ils n'ont jamais accepté de rétribution. Mais, après-guerre, alors que le monde s'enfonce dans la guerre froide, ils continuent à travailler pour le camp de l'Est. Toutefois, ils vont, les uns après les autres, être identifiés par le contre-espionnage britannique. Mais, et c'est un des grands mystères de cette affaire, aucun d'entre eux n'aura affaire à la justice. Et il faudra attendre le début des années 90 pour que soit connu le nom du cinquième homme, John Cairncross, justement. Un paisible retraité qui finissait ses jours chez nous, sous le soleil de Provence. Un soir de fin d'avril. Rendez-vous avec X. Pour les cinq de Cambridge, l'après-guerre commence par une alerte sérieuse. En 1945 exactement, Philby, je vous le rappelle, occupe alors un poste stratégique puisqu'il a été nommé chef de la 9e section du service des renseignements. Une section, m'avez-vous dit, qui est chargée de la lutte contre les communistes. Et c'est inouï, rendez-vous compte. L'homme chargé par les Britanniques de diriger la guerre secrète contre les Soviétiques est un agent du KGB. On n'avait jamais fait mieux. Mais en quoi consiste exactement son travail? Oui, mais si c'est le nom, je vous le rappelle, du service de renseignement britannique. Philby est chargé de recruter des espions, mais aussi de monter des opérations de sabotage au-delà du rideau de fer. D'accord, mais cette alerte, là, non? En août 1945, quelques jours après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un agent soviétique qui travaille au consulat de l'ambassade du RSS à Ankara se débrouille pour prendre contact avec un diplomate britannique. Il veut faire défection, quoi. Oui, contre une somme considérable, plusieurs dizaines de milliers de livres. Il désire obtenir l'asile politique pour lui et sa femme, et il déclare qu'il peut fournir le nom de plusieurs taupes de haut niveau. Il s'agit de Philby et des autres? Vraisemblablement. En tout cas, les indications qu'il donne permettent a posteriori de penser qu'il peut s'agir d'eux. Ça veut dire alors à ce moment-là qu'il ne prononce pas de nom. Normal. Cet homme, Constantin Volkov, veut d'abord être assuré qu'on le paiera et qu'on le prendra en charge. Ouais. Que se passe-t-il alors ? L'ambassadeur britannique à Ankara répugne à s'occuper personnellement d'un dossier d'espionnage. En cela, il se conduit comme la plupart des diplomates qui éprouvent un profond mépris pour ces histoires peu ragoûtantes. Pourtant, il doit bien comprendre qu'il s'agit d'une affaire exceptionnelle. Je ne sais pas. Enfin, il se contente d'envoyer à Londres une note par la valise diplomatique. Quand même. Quand même, oui. Enfin, cette note atterrit sur le bureau de Philby. Et le chef de la 9e section comprend aussitôt. Ce Volkov qui a travaillé à la direction centrale du KGB peut très bien connaître son identité et celle de ses amis de Cambridge. Il est coincé, enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'il peut faire là ? Sa première réaction est sans doute de détruire cette note. Mais non sans raison, il pense que ce document a peut-être eu d'autres destinataires, au Foreign Office, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères, par exemple. Mm-hmm. Puis l'ambassadeur britannique pourrait un jour témoigner. Exactement, l'ambassadeur ou l'un de ses collaborateurs. Alors Kim Philby alerte son officier traitant soviétique. Ouais. C'est ce Modine là que nous avons connu, vous et moi ? Non, Modine a déjà été chargé du dossier des 5 de Cambridge. Mais à Moscou, au siège du KGB. Ouais, il n'est donc pas encore arrivé à Londres. Non. Il viendra qu'en 1947. D'abord comme chiffreur de l'ambassade, puis sera nommé attaché, même responsable du service de presse. Ouais. Découverture. Oui, donc Philby prévient son officier traitant, un type dont j'ai oublié le nom. Et le KGB va réagir avec une extrême célérité. C'est-à-dire ? Après avoir été alerté par Philby, la centrale soviétique envoie aussitôt 2 pseudo-diplomates à Ankara. Des pseudo-diplomates ? Oui, des agents, des hommes du service action, comme on dirait chez nous. Ils sont chargés de liquider ce Volkov, c'est ça ? Non, parce que inévitablement, ça créerait des complications. Alors, ils vont être beaucoup plus malins que ça. Ils vont l'enlever. Oh, c'est pas beaucoup plus discret, hein ? Ah, détrompez-vous. On va faire croire à tout le personnel diplomatique en place à Ankara que Volkov est soudain tombé gravement malade et qu'il a dû être rapatrié d'urgence à Moscou. Naturellement, sa femme l'a accompagné. Oui, ça c'est... que les soviétiques vont dire, mais en réalité, que s'est-il passé ? Les deux agents du KGB se sont arrangés pour le droguer au cours d'une rencontre un petit peu arrosée. Et Volkov, complètement inconscient, a été embarqué dans un avion russe. Avec son épouse ? Bien sûr. Mm-hmm. Et arrivé à Moscou ? Vous imaginez bien ce qui a pu se passer. Volkov a été interrogé, puis il a été jugé et fusillé. À cause de Philby, donc ? Incontestablement. Vous le verrez, Philby aura bien d'autres morts à se reprocher. Mais enfin, le plus étonnant n'est pas là. Et ça montre l'extraordinaire audace de cet espion. Kim Philby a beau avoir prévenu son officier traitant des velléités de défection de Volkov, il n'est pas pour autant rassuré. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il craint que le KGB ne réagisse pas à temps. C'est certainement quelque chose comme ça. Et puis, il veut vérifier lui-même si rien n'a transpiré à Ankara. Aussi arrive-t-il à persuader le directeur du MI6 de l'envoyer en Turquie. Ouais. Pour voir Volkov ? Oui, sous le prétexte d'évaluer l'importance des informations de Volkov et de conclure éventuellement un accord avec lui et de le débriefer lui-même. Oui, mais quand Philby arrive en Turquie, Volkov a déjà été exfiltré. Oui, il vient tout juste de l'être. Ah, pour le plus grand soulagement de Philby, j'imagine. Ouais, bien sûr, mais ça lui permet de mener sa petite enquête. C'est-à-dire ça ? Kim Philby interroge les rares Anglais qui ont été en contact avec Volkov. Et bien vite, il comprend qu'il est passé très près d'un véritable désastre. Les quelques indications que Volkov a données laissent penser que c'était bien lui, Philby, qui était visé. Enfin, lui et ses amis. Le candidat à la défection a en effet évoqué un agent double infiltré au sein des services spéciaux et 2 autres taupes travaillant au Foreign Office. Oui, MacLean et Burgess. Sans doute, oui. Alors Philby, pour dissiper tous les soupçons qui pourraient encore peser sur lui, rédige un rapport qui tente d'expliquer comment Volkov a été découvert. Ouais. Parce que sa soudaine maladie ne fait pas illusion. Bien évidemment. Donc, dans son rapport, Philby a mis un certain nombre d'hypothèses. D'après lui, le soviétique, au cours d'une beuverie, aurait pu se trahir. Autre explication, Volkov, après son premier contact avec le consulat britannique, aurait pu éprouver des remords. Il aurait avoué sa faute à ses pairs du KGB. Pardonnez-moi, mais ça ne me semble pas très crédible. C'est vrai. Enfin, il importe surtout à Philby de persuader le directeur du MI6 qu'il n'y a pas eu de fuite interne. Il y a réussi ? Tout à fait. Sir Stewart Menzies, le grand Manitou des services secrets, lui a fait une confiance totale. Je vous rappelle que Kim Philby est alors considéré comme l'un des candidats les mieux placés pour succéder justement à Menzies lorsque ce dernier se retirera. C'est bien noté. Philby est sorti d'affaire. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez précédemment. Sa mission, les services, consistait aussi à organiser des opérations de sabotage derrière le rideau de fer. Hein, oui, ça, oui, ouais. Et en ces premières années de l'après-guerre, les Occidentaux pensaient encore qu'il était possible de miner de l'intérieur les régimes communistes nouvellement mis en place par Staline. D'autant que dans certains d'entre eux, il existait des guérillas d'opposants. Dans les pays baltes, hein. En particulier, oui. Et il était tentant d'aider ces résistants. De quelle manière on pouvait les aider? En leur faisant parvenir des armes ou en infiltrant dans ces pays des clandestins. Ouais, des maquisards. C'est ça, oui. Enfin, de farouches anticommunistes qui avaient fui ces pays lors de l'arrivée de l'armée rouge. Et certains, il ne faut pas se le dissimuler, avaient été des collaborateurs des nazis. Ouais. Alors c'est donc Philby... Oui, en collaboration avec les Américains, c'est lui qui préparait ses missions. Parfois, il s'agissait de parachutage, ou bien l'entrée de ces clandestins se faisait par voie terrestre ou maritime. Mais toujours, bien sûr, le KGB était aussitôt informé par les bons soins de Philby. Ouais, ça veut dire qu'on attendait ces hommes de l'autre côté du rideau de fer. Attendu et souvent immédiatement arrêté, fusillé. Ouais. Alors c'est pourquoi vous m'avez dit que Philby avait de nombreuses morts sur la conscience. Évidemment, mais Philby n'en a vécu. C'était un militant, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Est-ce que toutes ces arrestations ne pouvaient pas donner la puce à l'oreille au service anglo-saxon? Bien entendu. Aussi, le KGB prenait bien soin d'en laisser quelques-uns en liberté, sous surveillance, naturellement. Pour ne pas griller Philby. Et surtout pour donner l'impression au service britannique que son action était quand même efficace. Bah, c'est tout le problème des taux. Si vous utilisez toutes les informations qu'elles vous donnent, vous risquez d'alerter l'adversaire. Mmh. Or, Philby et ses amis de Cambridge étaient des pièces essentielles de l'espionnage soviétique et il convenait de les protéger à tout prix. Pénaud, rendez-vous avec X. Modine, Yuri Ivanovitch Modine, qui va être l'officier traitant des 5 de Cambridge à Londres, a publié en 1994 chez Robert Laffont un livre intitulé « Mes camarades de Cambridge ». Voici ce qu'il écrit à propos de ces missions organisées par Kim Philby de l'autre côté du rideau de fer. Nous prenions des mesures pour neutraliser ces espions ou ces saboteurs. La plupart d'entre eux furent arrêtés et emprisonnés. Très peu, cependant, furent exécutés. Pourtant, nous vivions à l'époque de véritables conditions de guerre. Le KGB laissait volontairement filer, temporairement, quelques agents pour ne pas griller Philby. Il en retournait certains autres qui travaillaient ensuite pour lui. Ces opérations de retournement se réalisaient en finesse de telle manière que Philby continue d'obtenir des succès dans son travail pour les Anglais. Il était de l'intérêt du centre qu'il atteigne le sommet de la hiérarchie du renseignement dans son pays. Les consignes données aux équipes du KGB pour intercepter et surveiller les espions envoyés par Philby en URSS étaient donc très sévère. Les hommes chargés de ce travail délicat étaient triés sur le volet. Il n'y eut ni interférence, ni bavure. Est-ce que les 5 de Cambridge ont tous continué à travailler pour l'URSS après la guerre? Bien, pas de la même façon. Et 2 d'entre eux ont pris leur distance, enfin au moins provisoirement. Lesquels? Blount, d'abord. Cet esthète n'a jamais été un communiste convaincu. Et s'il est devenu espion, c'est d'abord par fidélité à son ami Burgess. Et son ancien amant. Oui. Et dès la fin de la guerre, Anthony Blount quitte les services spéciaux britanniques et retourne à ses chères collections de peinture. Il n'est donc plus utile au KGB? Non, mais enfin, il ne rompra pas tout à fait. Il lui arrivera encore à l'occasion de rendre service comme intermédiaire entre ses amis et leur officier traitant. Toutefois, vous le savez, Blount va peu à peu oublier l'univers glacé des services secrets. Nommé en effet directeur des collections royales, il va s'imposer comme chercheur. Et ses avis feront autorité en Grande-Bretagne et ailleurs. Et le deuxième? Il s'agit de Cairn Cross. L'Écossais, lui aussi, quitte les services dès la fin des hostilités. Et il retrouve l'administration du Trésor. Donc là aussi, aucun intérêt pour le KGB. Dans un premier temps, oui. Mais en 1948, tout change. John Cairn Cross est nommé à un poste où il contrôle les dépenses en matière de recherche militaire. Ah oui, ça veut dire qu'il a accès à des informations essentielles. Oui, oui, oui. L'analyse d'un budget peut se révéler très instructif. Mieux, un peu plus tard, Cairn Cross va être affecté au service financier de l'OTAN, la nouvelle organisation atlantique, et pour ainsi donner aux soviétiques des informations très précises sur les projets d'implantation d'armes nucléaires en Allemagne. Et les autres, alors MacLean et Burgess, ils ont poursuivi leur brillante carrière. Burgess, d'abord. Après-guerre, il devient le secrétaire particulier de MacNeil, le numéro 2 du Foreign Office, un poste extrêmement sensible. McNeil a une confiance absolue dans son collaborateur et Burgess voit ainsi défiler sur son bureau la plupart des télégrammes diplomatiques. Et il les transmet aussitôt à Moscou. Bien sûr. Autant d'informations cruciales qui permettent aux soviétiques de préparer au mieux les grandes conférences internationales de l'après-guerre. Quant à McLean, il est nommé à l'ambassade britannique à Washington, puis il est affecté au Caire. Et il est toujours en relation avec le KGB ? Plus que jamais. Mais en Égypte, McLean commence à dérailler. Dérailler. On a du mal à imaginer quelle peut être la pression qui s'exerce sur un espion. Oui. Et un jour ou l'autre, il est susceptible de craquer. Et c'est ce qui arrive à Donald McLean ? Oui, à plusieurs reprises, complètement sous, il provoque de graves incidents et la police égyptienne doit intervenir. Et ça l'affiche mal pour un diplomate. Vous avez raison. Et le pire, c'est qu'au cours de ses beuveries, McLean risque de se trahir. Mais heureusement pour lui et pour le KGB, l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Égypte réussit à le faire rapatrier à temps. Dites-moi, d'une façon générale, l'alcool a joué un rôle dans cette histoire. Oui, c'est exact. Philby, McLean et Burgess étaient des buveurs invétérés, une habitude qu'ils avaient prise à Cambridge, où ces jeunes gens buvaient déjà à sec. Et c'est un rapport, ça, avec leur travail d'espion ? Je le pense, oui. En buvant, ils évacuaient la tension à laquelle ils étaient soumis. Mais ce qui est doublement extraordinaire, c'est que, malgré leurs excès de toutes sortes, ils n'ont jamais cessé d'alimenter en information les soviétiques, et que leurs administrations respectives ont toujours fermé les yeux sur leur mauvais comportement. Et vous avez une explication ? Tous appartenaient à la meilleure société. Et puis c'était de brillants sujets. Alors, au Foreign Office ou dans les services, on préférait oublier. Mais je reviens à McLean. Après quelques mois de repos, il est ensuite nommé directeur du département américain au Foreign Office. Poste de confiance. Incontestablement, et ça montre bien qu'en haut lieu, on lui a pardonné ses frasques égyptiennes. Et pour le KGB, c'est une aubaine, car la guerre de Corée vient d'éclater. Et McLean peut ainsi donner à son officier traitant des renseignements très précis sur la politique militaire des États-Unis. Renseignements aussitôt transmis par Moscou à la Chine et à la Corée du Nord. Et l'autre, là, Philby, que fait-il, lui, pendant tout ce temps ? Lui, il poursuit son irrésistible ascension dans les services spéciaux britanniques. Après avoir été en poste en Turquie, il accède en 1949 à un poste prestigieux. Celui qui devrait ensuite lui permettre de devenir le patron du MI6. Kim Philby est nommé chef de la station de Washington. Il devient donc l'homme des Britanniques auprès de la toute nouvelle CIA. Inutile de vous dire qu'au KGB, on exulte. C'est presque inespéré. Absolument, d'autant entendez bien que Philby, d'une certaine façon, va être l'un des membres fondateurs de la CIA. Attends, je ne comprends pas. Lorsque Philby arrive à Washington, la CIA existe déjà. Oui, elle est née sur les décombres de l'OSS, le service de renseignement des Américains pendant la guerre. Mais quand la taupe britannique arrive aux États-Unis, la nouvelle CIA est encore balbutiante. Manque d'expérience ? Manque d'expérience, oui. Et ses dirigeants vont quémander des conseils à Philby, le grand ancien, l'homme du MI6. Un service qui est partout cité comme un modèle d'efficacité par tous les spécialistes du renseignement. Qui ne savent pas encore que ce service est aussi celui qui est le plus infiltré par les soviétiques. Évidemment. Alors Philby devient ainsi le mentor de ses collègues de la jeune CIA. Avouez que ça ne manque pas de sel. J'ajoute, et c'est très important, que Philby devient l'ami très proche d'un homme qui va occuper une place éminente à l'intérieur de la centrale américaine. De qui s'agit-il, là ? James Jesus Angleton, ce personnage dont je vous parlerai un jour plus longuement, est alors chargé de la sécurité de la CIA. Et plus tard, il en sera le chef du contre-espionnage. Et ce chasseur de taupes se fera remarquer par son acharnement quasi maladif à débusquer les agents doubles. Mais son amitié avec Philby n'est peut-être pas tout à fait étrangère à cette obsession. Probablement. Angleton, lorsque Philby sera démasqué, se rendra compte à quel point son amitié a été trahie. Et il aura tendance alors à avoir des espions partout. Oui, ça je vous le promets, nous en parlons à propos d'un dossier qui nous intéresse, nous Français, directement. Je prends note, hein. Mais j'en reviens à autre chose, là, un point essentiel. Philby, avant de partir à Washington, dispose d'une information capitale, et capitale et inquiétante. Okay. Il a appris qu'à Washington, justement, un as du décryptage, un certain Gardner, était sur le point de réussir à décoder des télégrammes envoyés par des agents du KGB à leur centrale de Moscou. Ah, c'est l'opération Venona, on en a déjà parlé. Oui, oui. Alors, je vous rappelle brièvement, tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont enregistré des télégrammes envoyés par les représentants soviétiques installés aux États-Unis. Oui, parce qu'ils pensaient que parmi eux se trouvaient forcément des espions. Forcément, oui. Ils ont donc stocké ces télégrammes avec l'espoir de pouvoir peut-être un jour les déchiffrer. Or, en 1949, ce jour approche grâce à la négligence d'un opérateur soviétique qui a utilisé deux fois la même grille. Et Gardner est tout près du succès. Ça veut dire que les Américains vont pouvoir identifier un certain nombre de taupes. Oui, oui, il a fort à parier que les cinq de Cambridge risquent eux-mêmes d'être découverts. Alors, Philby se tient donc sur ses gardes. Et mieux. Pour être informé au fur et à mesure des progrès enregistrés par Gardner, il se débrouille pour devenir ami avec ce dernier. Il peut donc à tout moment intervenir si le danger menace, et ça va bientôt être le cas. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X a évoqué les nombreux excès des espions de Cambridge. Dans son monumental livre intitulé « Le KGB contre l'Ouest », l'historien et spécialiste du renseignement Christopher Andrew écrit par exemple en parlant de Burgess. Le voilà par exemple sortant d'un pub où il vient d'échanger un coup d'œil rituel avec son officier traitant. Il fait alors tomber son porte-document. Patatras. Les papiers secrets du Foreign Office se retrouvent par terre, éparpillés. Les plaintes à son endroit vont en se multipliant. Il arrive éméché au rendez-vous, les vêtements complètement en désordre. Échevelé, mal rasé, pareil à lui a de quoi frapper George Carey Foster, chef de la Security Branch, encore embryonnaire du Foreign Office, lorsqu'il l'aperçoit pour la première fois en 1947. Il sentait tellement l'alcool que je demandais qui il était et en quoi consistait son travail. Mais la brillante intelligence et le charme du Burgess de Cambridge refont parfois surface. Ainsi, Andrew raconte la rencontre de Burgess avec un certain Mayhew, chargé de mettre au point l'IRD, un organisme chargé de lutter contre la guerre psychologique soviétique. Mayhew est ébloui par sa connaissance approfondie des méthodes de subversion des communistes et l'engage sans hésiter. Et Andrew poursuit. Mais l'avalanche de protestations suscitées par le comportement fort peu diplomatique de Burgess entraîne son renvoi de l'IRD. Il est affecté au département d'Extrême-Orient du Foreign Office à l'automne 1948. Paradoxalement, cette conduite si dérangeante pour le centre, entendez le KGB, renforce la couverture de l'intéressé. Parmi ceux qu'il choque le plus, qui pourrait imaginer une seconde qu'il a affaire à un espion soviétique. Le KGB contre l'Ouest a été publié en France chez Fayard. Je dois aussi dire que si Philby était persona grata à la CIA, il n'en était pas de même au FBI. Pourquoi on se méfiait de lui là-bas? Oui. Hoover n'aimait pas voir ce Britannique se mêler d'affaires de renseignement qui, selon lui, ne regardait que les Américains. Et il lui a toujours manifesté de l'hostilité. Mais il ne soupçonnait pas, quand même, d'être une taupe soviétique. Non, même si plus tard, il a naturellement prétendu le contraire. Mais c'était de bonne guerre. Hoover ne ratait jamais une occasion de mettre en difficulté ses rivaux de la CIA. Revenons là à cette opération Venona et au décryptage des télégrammes soviétiques. Quand est-ce que ça commence vraiment à sentir le roussi pour les espions de Cambridge? Eh bien, pendant l'hiver 50-51. Burgess se trouve alors lui aussi à Washington, où il a été affecté à l'ambassade de Grande-Bretagne. Et là, Philby, qui était pourtant aussi audacieux que prudent, commet une grave erreur. Il accepte que Burgess vienne habiter chez lui. Et pourquoi c'est une erreur? Parce que si l'un est soupçonné, l'autre sera obligatoirement compromis. Mais peut-être que Philby entendait ainsi mieux surveiller son ami Burgess, qui devenait de plus en plus incontrôlable. Qui est le premier suspect dans la bande? McLean. À cause, là aussi, d'une impardonnable erreur commise par un chiffreur de la résidence du KGB à New York. De quoi s'est-il agi? Ce chiffreur avait été chargé de transmettre une importante dépêche diplomatique interceptée par McLean au Foreign Office. Or, dans le télégramme envoyé à Moscou, il avait oublié de biffer la mention d'origine indiquant la source, c'est-à-dire le Foreign Office. Ouais. Et quand Gardner, c'est bien son nom, oui. Ouais. Et quand Gardner donc a réussi à décrypter ce message, il s'est rendu compte qu'il existait une taupe placée au Foreign Office à cause de cette mention. Exactement. Mais encore fallait-il identifier McLean. Bon, là, je vous passe les détails, mais les chasseurs de taupes américains ont procédé par élimination. Grâce au décryptage d'autres télégrammes qui contenaient quelques détails sur la taupe infiltrée au Foreign Office. Et c'est ainsi qu'ils ont pu démasquer McLean. Oui, et Philby, bien sûr, a été tout de suite informé. Il a donc alerté le KGB. Et à Moscou, on a immédiatement réagi. McLean devait être exfiltré au plus vite vers l'URSS. Parce qu'il n'avait pas encore été arrêté à ce moment-là. Pourquoi on l'a pas arrêté tout de suite? Le secret, toujours. La CIA voulait garder un secret absolu sur l'opération Venona. C'est si vrai que la vérité sur Venona n'a été révélée qu'à la fin des années 80. Ouais. Alors le secret, enfin, si je vous comprends bien, hein, c'est que si on arrêtait McLean, on serait obligé de parler de Venona, c'est ça? C'est ça. Donc il a été décidé, en liaison avec le MI5, le contre-espionnage britannique, de prendre McLean la main dans le sac afin de détenir une preuve matérielle de sa trahison. Et ne pas parler de Venona. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on a prétendu. Parce que, à votre avis, c'est pas la vérité? J'en suis persuadé. Mais encore un peu de patience, en fait, je vais vous expliquer. McLean, qui se trouve à Londres, je vous le rappelle, est donc pris en charge par des agents soviétiques. Et un beau jour, un samedi, je crois, il monte le plus naturellement du monde à bord d'un bateau qui doit faire une petite croisière dans la Manche. Et on ne lui demande rien, enfin, pas de papier ou de passeport? Mais Donald McLean est parfaitement en règle. Et puis, il voyage à bord d'un bateau britannique. Pour ce genre de croisière, on n'exige pas de passeport. Seulement ceux qui le surveillaient ignoraient sans doute que le voyage prévoyait une courte escale sur la côte française. McLean a donc débarqué en France? Oui, et après ça a été un jeu d'enfant de rejoindre la Suisse, puis la Scandinavie, enfin l'URSS. Enfin, j'ajoute que McLean n'était pas seul. Son ami Burgess l'accompagnait. Lui aussi avait été démasqué? Pas encore, mais il se trouvait dans un tel état de nervosité que Modine, son officier traitant, n'a pas voulu prendre de risque. Et il l'a expédié en URSS avant qu'il ne craque définitivement. La sécurité des autres, Philby, Cairncross et Blount étaient à ce prix. Et comment ce dandy alcoolique et homosexuel de Burgess s'est-il fait à la vie soviétique? Très mal. Il a bu de plus en plus et il a fini par en mourir, relativement jeune. McLean, lui, s'est mieux adapté. Il a mené une vie tranquille et discrète jusqu'à sa mort au début des années 80. Ouais. Quelles ont été les conséquences de la fuite de McLean et Burgess? Ça a d'abord fait l'effet d'un coup de tonnerre au sein des services britanniques, et aussi dans l'opinion publique qui n'a pas tardé à être informée. Donc on a déclenché une formidable chasse aux taupes, on a même parlé de chasse aux sorcières. Car soudain, tous ceux qui avaient fréquenté les deux espions sont devenus suspects. À commencer par leurs anciennes relations de Cambridge. Surtout ceux qui avaient flirté avec les communistes, autre conséquence désastreuse. Cette chasse aux taupes a profondément désorganisé les services. Et ça, paradoxalement, a été très utile aux gens du KGB. Je comprends pas. Mais si. Pendant que le contre-espionnage britannique était ainsi occupé et limogé à tour de bras, tous ceux qui étaient suspects, souvent à tort, le KGB pouvait agir à sa guise en Grande-Bretagne. Oui, d'accord, mais Philby, Blount et Cairncross devaient aussi figurer parmi les suspects. C'est vrai, Philby en particulier, qui avait fait l'erreur d'héberger Burgess chez lui à Washington. Il a été rappelé à Londres et mis à la retraite d'office. C'est pas une sanction très lourde, hein. Attendez, on ne l'a pas lâché pour autant. Il a dû subir de nombreux interrogatoires, mais il s'en est toujours sorti avec succès. On n'a rien pu prouver contre lui? Non. Et bien sûr, il avait rompu tout lien avec son officier traitant et s'était préalablement débarrassé de tous les documents qui auraient pu le comprendre. Et en 1955, alors qu'il avait été mis en cause par un député à la Chambre des communes, il a même riposté avec panache en convoquant une conférence de presse où il a affirmé haut et fort son innocence. Oui, mais plus tard, il a quand même été démasqué. Très tardivement. Au début des années 60, il était alors journaliste à Beyrouth, correspondant de l'Observer, une affaire très curieuse. Un jour, il a reçu la visite d'un de ses vieux amis, un ancien collègue du MI6, toujours en fonction. À l'époque, Philby avait-il recommencé à travailler pour les soviétiques? Sans nul doute, grâce à son père en particulier, Kim Philby était remarquablement bien informé sur le Proche et Moyen-Orient. Mais je reviens à son vieil ami. Quand deux Britanniques se retrouvent à l'étranger, ils trinquent. Et Philby n'avait pas besoin de se forcer pour boire. Bref, il s'enivre et pressé de questions par son ami, il s'effondre et avoue qu'il est un agent de Moscou. Étonnant, non? Que voulez-vous insinuer, là? Que cette histoire sent la fable. Cet homme qui avait subi mains et mains interrogatoires sans jamais flancher. Cet espion qui avait toujours fait preuve d'un incroyable sang-froid aurait soudain baissé les armes parce qu'il était sous? Non, ce n'est pas possible. Racontez-moi alors ce qu'il s'est passé réellement. Ce vieil ami remplissait une mission. Il venait avertir Philby qu'il allait enfin être démasqué et qu'il lui fallait partir à son tour pour Moscou. Ce que Philby a fait? Oui, très tranquillement. Après avoir mis ses affaires en ordre, il a embarqué sur un bateau soviétique et il a rejoint ses amis du KGB. Or, si on avait voulu l'en empêcher, même à Beyrouth, rien n'aurait été plus facile pour les Britanniques. Il suffisait de l'enlever aussitôt après sa confession. Mais ce vieil ami qui remplissait une mission, dites-vous, Alors, c'est pour le compte de qui? Des services britanniques. Et du gouvernement anglais qui préférait que Philby disparaisse plutôt que de provoquer un énorme scandale s'il avait été jugé à Londres. Et quelles preuves pouvez-vous apporter? Le sort des deux autres, Blount d'abord. Ce proche de la famille royale a été très vite identifié comme étant une taupe. Lui aussi s'est confessé. Mais il n'a pas été poursuivi, il a même continué à travailler pour la reine. Quant au dernier, Cairn Cross, c'est encore plus étrange. Le fameux cinquième homme, hein, c'est ça? Oui, celui qu'on a cherché ou fin de chercher partout. On a même prononcé à son propos les noms les plus divers, Sir Roger Hollis ou Sir Maurice Oldfield, tous deux anciens et éminents dirigeants des services. Or, dès le début des années 50, Cairn Cross avait été identifié, il avait parlé. Mais on ne l'a nullement inquiété, il a été autorisé à partir à l'étranger. Et il est mort chez nous, oui. En France. Oui. Alors maintenant, j'espère que vous êtes convaincu. Ouais. À Londres, au sommet de l'État, on voulait étouffer l'affaire. Et peut-être parce que les taupes de Cambridge ont joué un rôle encore plus important que celui qu'on leur a attribué, et qui est déjà assez extraordinaire. Il semble en effet que Philby, au début des années 60, risquait d'être définitivement convaincu d'être une taupe. Voici ce que je lis dans un livre de Dan Ravive et Yossi Melman, paru chez Stock, « Tous les espions sont des princes ». Flora Solomon était la fille d'un riche banquier juif de la Russie tsariste qui avait émigré en Angleterre. Elle travaillait pour les magasins Marks & Spencer et, comme ses patrons, était une sioniste convaincue. Lors d'un cocktail près de Tel Aviv, elle rencontra son vieil ami Lord Victor Rothschild et au cours de la conversation s'en prit à Kim Philby, alors correspondant d'un journal britannique à Beyrouth, à qui elle reprochait d'écrire des articles pro-arabes et anti-Israël. Mais une de ses remarques intrigua Rothschild. « Comme d'habitude, dit-elle, Kim fait ce que lui dictent ses opérateurs en URSS. » Rothschild haussa les sourcils et Solomon lui raconta qu'en 1940, Philby avait essayé de la recruter pour les renseignements soviétiques. L'information fut communiquée à la fois au Mossad et aux renseignements britanniques, mais le MI6 ne réagit pas assez rapidement. Cette scène a eu lieu en 1961, un peu plus d'un an avant la fuite de Philby en URSS. À samedi prochain, et je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur franceinter.com. Vous pouvez aussi trouver des indications bibliographiques.